Cette femme de Lydie Salvert. Cinquième et dernier épisode, Ingeborg Bachmann. Texte dit par Lydie Salvert. Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann, née le 25 juin 1926 à Klagenfurt, capitale de la Carinthie située au sud de l'Autriche. Klagenfurt, où depuis toujours, écrit Thomas Bernhard, le nationalisme, le national-socialisme et la stupidité provinciale se sont épanouis dans la vulgarité. Son père, Matthias Bachmann, officier pendant la Première Guerre mondiale, adhère dès 1932 au Parti national-socialiste, alors interdit en Autriche, adhésion qu'Ingeborg Bachmann gardera secrète toute sa vie. Le 12 mars 1938, c'est l'Anschluss. L'Autriche est annexée au Reich et les troupes hitlériennes entrent dans Klagenfurt sans rencontrer la moindre opposition. Ingeborg, qui a 12 ans, dit avoir été transie d'une terreur mortelle devant ses défilés militaires, ses drapeaux déployés, ses chants triomphants et la monstrueuse brutalité de cette occupation qu'elle perçoit alors sans la comprendre. Son père, qui fait partie du noyau dur des nazis de Carinthie, s'engage volontairement dans la campagne de Pologne en septembre 1939. Il ne reviendra qu'à l'automne 1945. Après la guerre, Ingeborg Bachmann part étudier la philosophie, d'abord à Innsbruck, puis à Graz et enfin à Vienne où elle arrive en 1946. Un an après, elle rencontre les écrivains du groupe 47, qui se réunissent régulièrement au café Raimund pour réfléchir aux enjeux esthétiques et politiques de la littérature. Et tous sont impressionnés par sa présence. Où qu'elle soit, Ingeborg Bachmann est toujours et tout de suite le centre. C'est une chose qui ne s'explique pas. Elle a du style. Même son silence a du style. C'est une chose qui ne s'explique pas plus. Son visage est très beau, avec quelque chose de vulnérable qui attire. Elle fume nerveusement cigarette sur cigarette. On dirait qu'elle marche sur des lames de couteau. Elle est si réservée et si timide que lors de sa première lecture devant le groupe 47, sa voix est inaudible. Un des auteurs présents se propose alors de relire son poème à haute et distincte voix. Elle s'évanouit d'émotion. Détail qui suscite en moi, par identification, une immédiate sympathie. Thomas Bernhard dit d'elle qu'elle est un événement. Il l'admire. Dans Extinction, il l'appelle sa grande poétesse, sa grande artiste. Lui qui a toujours fui les écrivains, lui qui ne voit en eux que des petits bourgeois méchants, médiocres et fourvoyés dans la folie des grandeurs. Lui qui ne s'est jamais assis à leur table, car s'asseoir à la table d'un écrivain, c'est pour lui la chose la plus répugnante qui se puisse imaginer. Il dit d'elle qu'elle est la grande, l'unique, celle qui restera, celle dont nous n'aurons pas honte dans 100 ans. Elle ne recule devant rien dans ses pensées, dit-il encore. Elle l'est à 100% dans ses poèmes, alors que dans les productions de ses consoeurs, des rivales qui intriguent continuellement contre elle, ce n'est jamais le cas. Comme Thomas Bernhard, elle déteste l'Autriche. Elle déteste son pays où l'horreur nazie a fait régner une nuit profonde, une nuit qui ne veut pas finir. Elle le qualifie de pays putréfié. Elle le fuit constamment. Elle habite tour à tour à Paris, Londres, Berlin, Francfort, Zurich, Naples et Rome où elle meurt en 73. Elle déménage 14 fois. Dans son univers romanesque, on retrouve toujours cette impossibilité d'un ancrage. Tout y est toujours incertain, délocalisé. En 1964, elle publie l'un de ses poèmes les plus célèbres, « La Bohème est au bord de la mer », dans lequel elle invente le seul pays qu'elle considère comme sien, une bohème idéale, bordée par la mer, patrie des apatrides, et refuge de tous ceux qui sont de nulle part. Elle dit qu'elle déteste la littérature lorsque la littérature n'est qu'une esthétique, un bibelot, une parure de cheminée. Elle veut que la littérature exerce une influence sur la réalité. Elle y croit. Elle veut y croire. Il y a en elle quelque chose de naïf. Elle a de la droiture. Et ça me plaît. Au risque de mettre en péril ses projets éditoriaux, elle prend la décision irrévocable, au mois de mars 1967, de quitter sa maison d'édition, car elle vient d'apprendre que la poétesse russe Anna Akhmatova ne sera pas traduite par Paul Celan comme on le lui avait promis, mais par un poète qu'elle trouve exécrable. Elle se fout du fric. Elle ne remarque pas que la radio qui la demande avec insistance la paie fort mal et signe distraitement des contrats qui n'honorent pas ses employeurs. Toutes ces choses que l'on rapporte d'elle m'émeuvent infiniment et me la font aimer. En janvier 1948, elle rencontre à Vienne Paul Celan, poète encore inconnu, mais qui sera regardé quelques années plus tard comme l'un des poètes majeurs du XXe siècle. Il a 27 ans, elle en a 21. Leur lien, qui restera jusqu'à la fin nécessaire à leur vie, à leur œuvre, viendra buter sur 1000 impasses et 1000 incompréhensions. Mais ni leur fardeau de silence, ni les secrets ensevelis dans le fond de leur cœur, ni les questions imprononcées dont ils traquent les réponses sur la bouche de l'autre, ni le poids terrible dans leur vie des mécontes de l'histoire n'auront raison de leur obscur amour. Après le suicide de Celan en 1970, Ingeborg Bachmann écrira dans Malina « Ma vie est finie, car il s'est noyé dans le fleuve pendant l'évacuation. Il était ma vie, je l'ai aimé plus que ma vie. » Dès qu'elle fait sa connaissance, Ingeborg Bachmann perçoit chez Paul Celan un chagrin inconsolable, presque inhumain. « Je vois avec beaucoup d'anxiété, lui écrit-elle, quelques mois après leur rencontre, comme tu es entraîné vers le large, sur une mer immense, mais je vais me construire un bateau pour t'arracher à la perte et te ramener à bon port. » Elle perçoit d'autant mieux sa détresse qu'elle est elle-même un être déchiré. Fille d'un homme qui s'est résolument rangé du côté de Hitler, elle aime un poète juif qui a échappé au camp d'extermination où ses deux parents moururent. Comment vivre avec au cœur un tel dilemme? Comment vivre dans un monde où la loi interdisant aux juifs d'avoir des rapports sexuels avec des Aryens est encore dans toutes les mémoires? Comment côtoyer intimement un père qui a participé à la pire des monstruosités et un amant rescapé de la Shoah? Comment répondre en même temps aux besoins exigeants de vérité et à la nécessité intérieure de taire par loyauté filiale l'abject engagement paternel? Comment expliquer à son amant qu'on est la fille d'un meurtrier, mais que ce meurtrier est le seul homme au monde à ne pas vous avoir abandonné? Comment vivre avec une culpabilité insurmontable pour une faute que l'on n'a pas commise? Trop d'épreuves, trop de douleurs, trop de fantômes pèsent décidément sur l'amour que se vouent Paul Celan et Ingeborg Bachmann. Mais en dépit de tant d'impossibles, Ingeborg Bachmann et Paul Celan vont poursuivre pendant des années leur amitié précieuse par le biais de leurs lettres et des œuvres échangées, puis vont s'éloigner doucement, poussés dans des mers différentes, mais sans jamais se perdre. « Mon amour insatiable pour toi, écrit-elle, ne m'a jamais quitté, et je cherche à présent dans les ruines et les airs, dans le vent glacé et sous le soleil, les mots pour toi qui me jetteraient de nouveau dans tes bras. Car mille choses les unissent, et autant les éloignent. Ingeborg Bachmann aime l'amour, la poésie. Celan est adonné à la nuit, couché à l'ombre des morts. Elle veut croire que l'amour peut donner la lumière et que les pierres peuvent fleurir. Pour lui, l'amante la plus aimée demeure à tout jamais l'étrangère. Elle peut lui avouer « Tu es mon bonheur, que ne voudrais-je l'être pour toi ?» À Tselan, le bonheur est interdit, puisque tout amour convoque en son cœur la douleur éprouvée pour Ruth, Myriam et Noémie, puisque tout le sens du monde s'est abîmé dans la Shoah, puisque cette horreur a séparé irrémédiablement les hommes, puisqu'elle les a, elle et lui, séparés. Ingeborg Bachmann se révolte contre cette séparation érigée en destin, contre le froid, contre la nuit, contre l'histoire qui est devenue leur tombe et contre la morale débile des victimes qui laisse peu à espérer. Mille impossibles les séparent, ai-je dit, mais l'un et l'autre ont en partage avec les écrivains du groupe 47 une même question. Dans quelle langue écrire depuis que leur langue natale a été corrompue par la catastrophe nazie, depuis qu'elle est devenue une langue obscène, déshonorée, imprononçable, une langue de mort? Dans quelle langue écrire lorsqu'on cherche non pas à s'exonérer d'une histoire abjecte, mais à l'endosser avec son poids d'horreur, avec son poids de cadavre, pour en balbutier ce qui n'a pas encore trouvé de mots? Dans quelle langue écrire quand parler est devenu plus que jamais indispensable? Pas d'autre issue que de continuer à dire. Et si, pour certains, aucune consolation n'est à attendre après la rupture irréparable qu'a constituée la liquidation de tout un peuple, il reste néanmoins qu'une parole est possible. Une parole est possible. Une parole née du dedans même des cendres d'Auschwitz et du dedans même de ses ténèbres. Une parole pour que les morts ne soient plus seuls. Une parole pour se souvenir de la nuit et dire ce que l'Autriche honteusement bâillonne. Ingeborg Bachmann écrit donc des poèmes, des nouvelles et des pièces radiophoniques, insoucieuses des partitions selon les genres. Bientôt elle devient célèbre, sur une méprise, comme souvent. La critique croit voir dans ses deux premiers recueils de poèmes le renouveau d'une poésie possible après le désastre. On l'admire, on la fête, on lui décerne plusieurs prix. Elle fait même la couverture de Der Spiegel. On s'accorde à lui reconnaître une voix poétique à la fois singulière et reliée à la tradition lyrique. Elle vient incarner, pour cette génération d'après-guerre, une forme d'espoir, et ce d'autant mieux qu'elle laisse dans le flou la perception d'un réel contaminé par le nazisme. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsqu'elle publie Malina, qu'une campagne de presse incendiaire se déchaîne à son endroit. Elle n'est plus désormais la poétesse consolatrice de l'après-guerre et belle de surcroît, mais l'écrivain de la fracture, l'écrivain qui non seulement déroge aux critères formels et conceptuels du roman, mais qui a le mauvais goût de faire ressurgir dans une vision de cauchemar le passé effroyable. Déroutée par l'âpreté de la condamnation qu'Ingeborg Bachmann porte sur la violence patriarcale et les idéologies mortifères qui sévissent encore, dérangée par une prose sans délicatessène et qui vient arracher l'Autriche à ses derniers mensonges, la critique dominante se montre incapable d'entendre sa voix et la qualifie de poétesse déchue. Mais Bachmann n'en continue pas moins d'écrire dans la reconnaissance de ses pairs et le rejet violent de la scène littéraire qu'elle juge désormais aussi sale que le commerce des armes. Persuadée qu'il n'est pas de monde nouveau sans langage nouveau, Ingeborg Bachmann va tenter obstinément d'inventer une langue utopique, une langue qui ouvre son chemin à travers d'autres langues, une langue à la fois singulière et plurielle, et qui mêle aux mots de l'auteur les mots des autres, ceux de ses frères de papier, morts ou vivants, ceux de Shakespeare, de Musil, de Karl Kraus, de Bertolt Brecht, de Wittgenstein, d'Hermann Brock, de Rimbaud, de Büchner ou de Goethe. Mais ce sont surtout les mots de Celan qu'Ingeborg Bachmann s'approprie, des mots infiniment aimés, infiniment cités, repris en écho, en prière, en cri, en sanglots, en silence, des mots écrits sans guillemets parce que devenus siens, et qui vont secrètement tisser entre Celan et elle une longue, une poignante, une inlassable conversation murmurée, souterraine. Dans les leçons de Francfort qu'elle accepte de donner en 1959, Ingeborg Bachmann, d'une voix fragile et mal assurée, va tenter de formaliser ce qu'elle attend de la littérature. Elle la veut sans fioriture, loin de tout fabriquer, et encore plus loin du cynisme et de la vanité, refusant comme une obscénité toute satisfaction esthétique devant, je la cite, « la fin, l'opprobre, les larmes et les ténèbres », se méfiant secrètement de la beauté, cherchant sans désarmer une compréhension des autres et du monde, se proposant d'user de la langue comme d'une arme et de combattre le langage infâme de la pub, du marché, de la politique politicienne, ce qu'elle appelle la langue des escrocs, afin d'en dévoiler ce qu'elle charrie d'idéologie morbide et d'assujettissement mental. Lucide, toutefois, sur les limites de son pouvoir, souvent désabusée, sinon désespérée, comparant les engouements et désengouements littéraires aux fluctuations de la bourse, mais refusant farouchement d'abdiquer et décidée à se battre sans fin contre les pulsions destructrices continuellement à l'œuvre dans le monde. Car ce qu'a compris très jeune Ingeborg Bachmann et qui l'a hanté pour le restant de ses jours, c'est que la guerre, une fois terminée, se continuait sous d'autres formes. Ce qu'elle a perçu très tôt, c'est que le nazisme gangrenait encore la société viennoise qui se taisait sur ses méfaits, que les bourreaux d'hier vidaient la coupe d'or en toute impunité, et que la prétendue reconstruction autrichienne n'était au fond rien d'autre que le maquillage des anciennes abjections, vêtues d'habits propres et coiffées de chapeaux tyroliens. Ce qu'elle a ressenti dans sa chair même, c'est que l'esprit national-socialiste sévissait toujours en Carinthie comme dans toute l'Autriche, que l'éducation dans les familles était toujours national-socialiste, les journaux toujours nationaux-socialistes et les fanfares toujours national-socialistes. Ce qu'elle a compris enfin, c'est que le fascisme des États se prolongeait insidieusement en un fascisme intime, un fascisme privé, moins voyant, plus subtil, mais tout aussi mortel, c'est que chassé ici, il apparaissait là, puis encore qu'il pouvait s'insinuer jusque dans l'amour même. Dans les dernières années de sa vie, Ingeborg Bachmann va tenter d'œuvrer à son grand projet, Façon de mourir, dont le titre à lui seul indique qu'une ombre morbide pèse déjà sur ses épaules. Façon de mourir devait être composée de 3 romans, Malina, Franza et Requiem pour Fanny Goldman. Malina seule sera terminée et publiée en 1971. Requiem pour Fanny Goldman et Franza resteront inachevés et paraîtront après sa mort. Bien qu'inachevés, ou peut-être parce qu'inachevés, Franza est des 3 celui qui me pénètre le plus profondément dans le cœur. Ce livre raconte un crime, prévient Ingeborg Bachmann en avant-propos, un crime qui a pour nom amour. Ingeborg Bachmann y décrit l'un de ces assassinats légalisés par le mariage, l'un de ces meurtres ordinaires qui ne font pas couler le sang, se perpètrent dans des appartements feutrés et se drape d'une honorabilité toute bourgeoise. Franza, c'est Ingeborg Bachmann, c'est son savoir sur la domination que certains êtres exercent sur d'autres jusqu'à les anéantir, et sa peine de constater qu'au cœur même de l'amour gît le crime. Vision affreusement pessimiste, vision désespérée, portée par une prose heurtée, haletante, sans larmes, une prose sans répit, sans ces pauses d'ironie où le cœur se desserre. Le cœur ici est de bout en bout fermé comme le poing. Une prose qui rend le son brutal des choses qu'on détruit ou le choc de galets qui se cognent, avec un arrière-fond comme un bruit étouffé de sanglots. J'en ressors l'esprit malmené, bousculé, comme ses linges qu'on essore. La lecture a de ses violences, car je ne peux esquiver le parallèle qui se forme en moi, la lecture a de ses retours, le parallèle entre le meurtre légal de Franza par son époux et le climat où je grandis, entre deux parents désassortis, dont la sourde hostilité et le désir de se faire mal étaient tels que, bien que le mobile de leur aversion m'échappât, je conçus une méfiance définitive devant tous les rapports conjugaux quels qu'ils fussent, et l'habitude de m'évader en moi-même pour fuir leurs dissensions, ce dont aujourd'hui je leur sais gré. Ingeborg Bachmann se pencha sur cette dimension banale et effrayante du mariage, comme aucun homme, je crois, n'eût pu le faire, comme le fit plus tard Elfriede Jelinek qui l'admirait. Ingeborg Bachmann, dont Thomas Bernhardt avait dit « Elle avait, comme moi, trouvé très tôt déjà l'entrée de l'enfer, et elle était entrée dans cet enfer au risque de s'y perdre prématurément. » Ingeborg Bachmann s'y perdit prématurément, elle qui avait écrit dans une sorte de prémonition reprenant un vers de Tselan « Mes cheveux ne blanchiront pas. » Un soir, écrasée de somnifères, elle n'éteindra pas sa cigarette avant de s'endormir. Après plusieurs jours d'agonie, elle mourra des suites de ses brûlures le 17 octobre 1973 dans une clinique romaine. Mais son nom demeure, et notre fidélité à lui, son nom si beau où toute son œuvre, depuis, s'est recueillie. C'était « Sept femmes » de Lydie Salvaire. Cinquième et dernier épisode, Ingeborg Bachmann. Texte dit par Lydie Salvaire. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Assistance technique et montage, Jean du Cimetière. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Étienne Vallès. Cette femme de Lydie Salvaire est publiée aux éditions Perrin. Pour la radio, le choix des extraits de Cette femme de Lydie Salvaire a été fait par Nadine Egels.